Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, soutine à la Pinacothèque de Paris. On peut dire que parmi les peintres du XXe siècle, Chaim Soutine occupe une place tout à fait à part, puisque à la fois il s'inscrit dans une tradition qui remonte jusqu'à Rembrandt et pour plus près de lui jusqu'à Cézanne, et que en même temps c'est quelqu'un qui aura influencé parmi les courants les plus modernes de la peinture. On peut penser à quelqu'un comme Jackson Pollock. Il est de fait que Soutine est l'un des peintres les plus mystérieux de la première moitié du XXe siècle, et nous voudrions nous intéresser à lui à l'occasion d'une grande exposition de ses œuvres qui a lieu à la Pinacothèque de Paris jusqu'au mois de janvier 2008. Il faut savoir que Soutine est né en Lituanie, dans le bourg de Smilovitchy, qui dépend du gouvernorat de Minsk, en 1893 ou en 1894, on ne le sait pas très bien d'ailleurs, puisque à l'évidence, Soutine n'a jamais tenu à donner des renseignements trop exacts sur sa vie, comme s'il se protégeait, on ne sait exactement de quoi. Il faut savoir aussi que, évidemment, il vient d'un milieu juif traditionnel, si l'on peut dire, tel qu'on le trouve précisément en Europe de l'Est. Et puis, à 19 ou 20 ans, il vient à Paris, où il va mener toute sa carrière en France, plus exactement, devenant d'une part l'ami de quelqu'un comme Modigliani, devenant l'un des phares de l'expressionnisme ou de ce qu'il est convenu d'appeler l'école de Paris. Mais de ce point de vue-là, d'ailleurs, cela pose beaucoup de problèmes parce qu'on peut se demander si Soutine, consciemment ou pas d'ailleurs, ne s'inscrit pas dans le courant d'une certaine philosophie romantique allemande. On peut penser aux thèses de Schelling, par exemple, sur la nature qui imite l'art. Et de ce point de vue-là, ça serait le regard du peintre et l'activité picturale qui serait la première activité, la nature ne faisant que se conformer, en fin de compte, au regard que l'on pose sur elle. Et on peut se demander si Soutine, précisément, n'a pas de sa peinture une conception d'une certaine manière assez démiurgique, mais qui s'appuie d'abord sur l'idée d'une circulation de l'énergie. Évidemment, on le rencontre surtout à partir du moment où il découvre la lumière du midi à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1918, et qui renvoie à tout un certain nombre de considérations, aussi bien de philosophes allemands ou de philosophes de la culture, comme Oswald Spengler, ou de quelqu'un comme Ludwig Klages. Et pour nous aider à comprendre un peu quelque chose de ce monde de Soutine et de ses échappées vers un au-delà du monde qui est dans ce monde même, nous avons avec nous aujourd'hui Marc Restellini, commissaire de l'exposition Soutine à la Pinacothèque, Sophie Krebs et Jacqueline Munch, chacune conservatrice en chef du patrimoine de la ville de Paris au Musée d'Art Moderne. Je pense qu'avant tout, Soutine est une énigme et que cette espèce de trouble et ce flou qui règne autour de lui vient de ce fait, c'est-à-dire qu'on a extrêmement beaucoup de mal à situer, à cerner le personnage. Ça vient en grande partie de son fait, c'est-à-dire qu'il a énormément joué sur la légende, sur beaucoup d'imprécisions, et sur un flou qu'il a en permanence alimenté, dans lequel il s'est vraiment complet pendant très longtemps. « C'est-à-dire qu'il faut aussi remettre Soutine dans un contexte qui est l'arrivée en assez grand nombre de Juifs d'Europe centrale ou même de l'Est, tous à peu près au même moment. Hein. Chagall arrive en 1909, Kiesling en 1911, etc. Donc quand on regarde l'arrivée de ces gens à peu près à cette période-là, qui viennent tous pour des raisons assez identiques, hein, être artistes, et puis fuir un petit peu leur milieu. Je ne suis pas sûr qu'ils ont très vite compris qu'en restant dans le ghetto ou dans des communautés juives assez fermées, ils pouvaient avoir un certain avenir, en tous les cas artistique. Et puis c'est Paris. Et n'oubliez pas quand même que Paris, c'est pour un juif, c'est là qu'on peut vivre en liberté. Je crois qu'il y a eu un message de la Révolution française dans ces pays-là, et ça s'est passé jusque dans le dernier des ghettos. On sait ce que c'est que Paris. On a entendu parler de Paris. Paris, c'est la ville de la liberté. Hein, c'est l'émancipation des Juifs. Elle a été donnée par la Révolution française. Donc ils ont tous... Alors ça, je pense que tous les Juifs qui vont à Paris le savent. Hein. La question qu'on se pose, c'est pourquoi Soutine a tellement joué en fait sur cette espèce de manque de définition de sa personnalité, de son origine, de son histoire, de son enfance. On ne sait rien sur son enfance. On a vraiment des sources qui sont vraiment extrêmement opposées, différentes, qui donnent des versions totalement qui sont à 180 degrés l'une de l'autre. Alors pour Zarfine, il est aimé par ses parents. Pour Kikoïn, ses parents lui tapaient dessus. On ne sait pas. On ne sait pas. Et Soutine a en permanence alimenté cette image, ce flou autour de son personnage. Pourquoi ? Est-ce que c'est une volonté de se protéger ? Est-ce que c'est le fait qu'en arrivant à Paris, il s'est retrouvé finalement dans un milieu hostile, toujours est-il que la base qui est peut-être traumatisante, c'est qu'effectivement il y a une méconnaissance et une incompréhension, ou je veux dire un transfert des coutumes à partir de textes, vous savez ce fameux interdit des juifs qui finalement est quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas d'interdit dans la religion juive, il y a une espèce de confusion entre ce qui est l'objet de culte et l'objet esthétique. Tout remonte au veau d'or, on ne va pas retracer toute l'histoire depuis ici, mais enfin, le veau d'or à la base, c'est un objet de culte ou c'est une œuvre d'art ? Toute la question est là. Et en fait, toute l'ambiguïté qui traîne finalement sur ce fameux problème de l'interdit vient de là. Et Soutine, donc, se présente ou se fait présenter comme quelqu'un qui est la victime de cet interdit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en arrivant à Paris, il va retrouver une critique qui va reprendre des arguments qui étaient dans la communauté juive orthodoxe qu'il a quittée, pour finalement, il part d'un endroit où on lui dit « t'as pas le droit de peindre parce que t'es juif », et il arrive dans un endroit, à Paris, où on lui dit « t'as pas le droit de peindre parce que t'es juif ». C'est quand même la pire des insultes, le pire des traumatismes pour un artiste, qui on dit « tu n'as pas le droit de peindre », alors que la reconnaissance même de l'artiste, c'est son œuvre. Bon. Est-ce qu'il y a une thématique juive dans les œuvres de Soutine ? Que je sache, non. Alors, il y en a qui voient dans la cathédrale de Chartres, voire dans l'homme en prière, des réminiscences de son enfance ou de sa jeunesse, que sais-je. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'élément particulier. Je dirais même, il y a un tableau assez étonnant qui est les deux petits porcs, qui est un tableau de la fin, 43. Bon, c'est pas du tout la même image que celle qu'utilise Chagall, par exemple, qui fait aussi des petits cochons, mais qui Alors lui, c'est dans c'est les rapports entre le monde orthodoxe et le monde juif. L'image du porc, c'est une image qui est impure. Donc on a des interprétations pour Chagall, mais pour Soutine, il voyait tout, il peignait toujours ce qu'il avait devant les yeux. Nous sommes en pleine guerre. Il est obligé de se cacher. Il ne doit pas faire de bruit. Et les enfants sont à l'école. D'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est qu'il peint les gens quand ils reviennent, ceux qui restent. Les hommes, il n'y en a plus. Donc on voit les femmes, les enfants, ceux qui reviennent de l'école, et les animaux de la ferme. Donc c'est pour ça qu'on a des éléments comme ce petit tableau, ou le veau, ou l'âne. Il peint toujours ce qu'il a devant les yeux. Donc là, il y a aussi une énigme de Soutine. C'est pour ça qu'il est à la fois expressionniste, mais je me dirais dans une espèce d'instantanéité, d'émotion, violente et immédiate. C'est pas quelqu'un qui travaille. Donc c'est vrai qu'on est dans un paradoxe. C'est quelqu'un qu'on dit expressionniste, mais qui est quand même tout près du motif, comme un impressionniste. C'est ça qui est dérangeant. Je pense qu'à la fois, il est d'un réalisme, très cru, et il est aussi un peu expressionniste. De même qu'il adore la sculpture grecque, il passe son temps à aller voir ses... Et il est un adorateur autant de Courbet que de Rembrandt. Je dirais même plus, c'est Courbet qui le fascine le plus. Dans cette manière d'insuffler la vie à ces natures mortes ou à ces personnages. Donc là, il y a quelque chose d'assez paradoxal. Moi, je pense que comme il veut être absolument un peintre, il veut aussi faire deux choses en même temps. Être un naturaliste, quelque part, un peu comme à Courbet, et puis aussi expressionniste, c'est-à-dire détruire la peinture dite classique, académique. J'ai rencontré les difficultés que tout le monde a rencontrées face à l'œuvre de Soutine. Ce que j'avais dit à Marc, pour moi, ça m'a paru une montagne. Et vraiment une montagne, puisque les outils de l'historien d'art que je continue d'être ne m'ont pas été d'une grande utilité, on peut bien le dire, pour aborder cette œuvre. Donc le souci, ça a été de me forger les outils, peut-être aussi à partir de certains textes qui avaient été les textes les plus importants parus du vivant de Soutine, notamment ceux de Waldemar Georges. Et ça ne suffit pas. En fait, on est face à quelqu'un qui voit une chose, qui laisse des traces. Et du coup, je suis repartie sur un fil radicalement différent, c'est-à-dire en observant la récurrence de certains mots qui revenaient dans le vocabulaire du critique et des gens qui avaient aimé Soutine, c'est-à-dire le lyrisme de la matière. Le vrai problème est que Soutine pose des questions, surtout et pour tout. Pourquoi peint-il comme ça? Il est expressionniste, mais il n'est pas politique. Or, l'expressionnisme, par essence, est un mouvement principalement politique. L'expressionniste allemand-autrichien, c'est un mal de vivre par rapport à une époque. Tout ce qui est époque apparaît dans l'expressionnisme. Chez Soutine, non. Pourtant, il peint comme un expressionniste. Donc, tout est question, tout est interrogation. Pas vraiment de réponse, uniquement une espèce de message comme dans lequel il dit « aller vers mon œuvre ». Et l'œuvre, c'est finalement une espèce de monument qui a une puissance émotionnelle, une force qui est absolument unique. Je ne sais pas s'il existe à cette époque un artiste qui est capable... Il y a Picasso qui a une puissance... Et une puissance liée à un tel trouble, je ne sais pas si on en trouve dans d'autres artistes. Et finalement, il va être le peintre qui a probablement été le plus important référent, si bien pour Bacon que pour Pollock, que pour De Koninck, que pour le mouvement Cobra. Donc c'est un artiste vraiment essentiel, important, incontournable, mais c'est un artiste qui est tellement difficile à cerner, tellement difficile à approcher, à accrocher, que finalement, on préfère le laisser de côté parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Soutine voulait être un peintre. C'est quand même toute sa lutte depuis qu'il est né, c'est de se dire peintre, d'être un peintre. Le milieu dans lequel il était, dans le ghetto, c'est absolument, surtout un ghetto, Slimovici, c'était quand même, franchement, il y avait ghetto et ghetto, mais celui-là, il était particulièrement pauvre et démuni. Donc, c'est après, quand il va à Vilnius continuer ses études, qu'il va rencontrer une bourgeoisie juive un petit peu plus éclairée. Mais être peintre, c'est comme si, au fin fond de je ne sais trop où, vous décidez comme ça, un jour, d'être écrivain, alors que vous n'avez personne, vous n'avez jamais appris à lire ou à écrire. Bien, c'est un petit peu ce qui est arrivé à Soutine. Et ce sera toujours sa lutte. Moi, je pense qu'il a toujours lutté pour dire qu'il était peintre. Allusion à Marc Rastellini au mouvement expressionniste ou à la mouvance expressionniste, je ne sais pas comment il faut l'appeler, en disant que Soutine n'avait pas de révolte politique comme effectivement avait le mouvement expressionniste dans les pays germaniques. Et on a l'impression qu'il est quand même extraordinairement proche. Parce que si je pense à l'expressionnisme pictural, bien sûr, n'en parlons même pas, mais à l'expressionnisme littéraire, comme ça finit dans Dublin, à l'expressionnisme cinématographique, il y a les mêmes techniques de déformation, il y a la même violence, si l'on peut dire. Tout à fait. Mais l'expressionniste reste extrêmement politique. Le refus du politique chez Soutine va très au-delà. De même simplement ne pas montrer ce qui se passe dans le monde autour de lui. Y a un mouvement politique qui est important à l'époque et qui intéresse Soutine de près, puisque tout ce qui est lié au judaïsme à cette époque est extrêmement important. Soutine est juif, indéniablement. Il a été élevé dans une communauté juive. À Paris, quand il arrive, vous êtes à l'époque où il y a des mouvements d'autodétermination qui sont extrêmement importants. On est à la pleine époque de l'adaptation, la tentative d'adaptation de tous les textes de Theodor Herzl et, en l'occurrence, de Martin Buber, qui a beaucoup travaillé notamment sur les questions d'art. Tous les Juifs cherchent à avoir, être dans une logique, une mouvance d'autodétermination, c'est-à-dire il y a une persécution partout, l'idée d'avoir un pays avec, dans lequel il y ait une liberté et une autonomie. Ces mouvements d'autodétermination sont clandestins, ils sont évidemment d'autant plus forts que vous êtes dans une période où l'antisémitisme est en pleine progression et va arriver là où on sait. Ces mouvements sont extrêmement structurés. Donc l'idée est d'arriver à un pays qui soit une nation juive dans laquelle il y ait tous les éléments sur lesquels finalement tous ces philosophes et tous ces penseurs réfléchissent et essayent de trouver des solutions et des directions. Or, Soutine, jamais son nom apparaît. Jamais. Il n'a pas pu ne pas être invité à participer à ces mouvements, c'est évident. D'autant plus que c'est vrai que Soutine, malheureusement, il a un physique qui correspond exactement aux critères qui vont être déterminés aussi bien par les nazis que par les Vichy. Il va ensuite être pris complètement, pratiquement comme le peintre représentant les Juifs dans les artistes dégénérés. Donc si vous voulez, il n'échappe pas, entre guillemets, à son sort. Mais malgré ça, Soutine ne rentre jamais aussi bien dans Mashmadine que dans la Raliastra, il n'y va pas. Et ça n'est pas un hasard, c'est pas parce que c'est pas du désintérêt, c'est que je pense qu'il y a une logique de refus total de toute implication politique, quelle qu'elle soit. Donc, le lien à l'expressionnisme est encore plus troublant, je dirais, parce qu'il fait vraiment un art qui est expressionniste, avec un refus complet de tout ce qui est approche de près ou de loin politique. Donc, c'est encore plus troublant, je dirais. Dans la manière de déformer sa matière, d'activer immédiatement, sans le dessin, comme le disait Sophie, la matière à vif sur la toile, les couleurs à vif, avec un travail extrêmement savant et en même temps qui paraissait complètement instantané, complètement sorti comme ça de manière viscérale, finalement, tout l'art de Soutine allait pouvoir prouver ce renouvellement possible à partir des données intérieures à l'âme humaine, à l'âme de peintre, et aussi de pouvoir valider cette idée que c'était à travers la démiurgie artiste, à travers la création elle-même, que pouvait se comprendre le monde dans lequel on évoluait. Alors, Waldemar Georges avait été, dit-on, un émule, comment il s'appelait, d'Oswald Spengler, qui marquait vraiment une interprétation du monde en fonction et des cultures qui se sont succédées en fonction de leur morphologie, naissance, vie, mort aussi. Et finalement, Waldemar Georges va utiliser tout l'art, et en particulier celui de Soutine, mais aussi celui de Bonnard, sur lequel il écrit au même moment, pour prouver qu'il existe une autre sorte vivante de création qui ne s'appuierait pas uniquement sur la morphologie et la mécanique des formes. Et c'était aussi une manière, à partir de cette intuition-là et partant de ce principe défendu par Waldemar Georges, ça m'a permis, moi, de me réinstaller autrement dans l'œuvre et d'essayer de comprendre à travers ça ce langage de la matière. Le langage de la matière, il a été prévu et écrit avant. Et je reviendrai aussi à quelque chose qui me paraît important. Il y a deux choses. Il y a le côté très balzacien, c'est-à-dire que c'est vrai que cette forme qui devient forme, qui devient incompréhensible, mais en même temps, le côté très baudelairien. Et Baudelaire disait, la forme se sépare toujours de la matière. Il y a la forme, il y a la matière. Et finalement, quelqu'un comme Soutine a réinjecté le sens qui pouvait être lié à la forme dans la matière elle-même de manière directe. Et c'est vrai ce que vous disiez, c'est-à-dire que quand on regarde une œuvre de Soutine, on la comprend immédiatement. On comprend le sens, on a un accès direct à la peinture par une chose autre que le langage. D'où, là, moi je ne serais peut-être pas forcément d'accord avec Marc, et je pense que cette attitude de voir dans la matière au-delà de l'apparence, que ce soit de ses modèles, où justement il y a un interrègne, je veux dire, les gens ne sont pas humains, les fleurs ne sont pas simplement des fleurs, c'est un espèce d'échange de genre. Et c'est cette matière-là qui a cette capacité de métamorphose et qui donne une compréhension au-delà de la compréhension, au-delà de la simple apparence. Et en ce sens, moi, je suis persuadée que c'est une attitude vagabonde et en même temps de recherche, et en même temps une attitude sur l'acte de voir et de voir au-delà des apparences. Et c'est ce qui nous interroge beaucoup quand on est face à ce type d'œuvre. Avant même qu'il découvre la lumière du midi, si l'on veut dire, je pense à un tableau comme, comme La Folle en 1919. Mm-hmm. Bon, en le voyant, moi j'ai l'impression d'une schizophrène et quasiment une schizophrène catatonique, ayant un peu fréquenté les hôpitaux psychiatriques, en visiteur. Et je me dis que quand même, qu'il rende aussi bien quelque chose, et à travers, déjà, la figure, on voit qu'elle est quand même là, un peu déformée. Donc il y a quelque chose qui entend en lui, ou qui voit, qui perçoit. Il y a quelque chose qui perçoit. C'est probablement ce qu'a senti Modigliani et qu'il a apprécié tellement chez Soutine. On sait que Modigliani était extrêmement intéressé par l'âme, par ce qui est derrière le masque. Bon, non, il y a ce fameux portrait dans lequel il y a la bénédiction des Cohen, qui n'est pas un signe religieux, en fait, mais qui est, les Cohen étaient ces patriarches qui étaient les gardiens du temple, et, mais qui avaient le savoir. Dans la religion juive, le savoir a un vrai sens. Or, le savoir obsède Modigliani. Rappelez-vous ce portrait de Modigliani montrant Picasso avec écrit au-dessus « savoir ». Modigliani est intéressé par les gens qui savent. Les gens qui savent sont les gens qui ont l'instinct de voir qui est qui. Et évidemment, Soutine a ça. Vous parlez de La Folle, mais en fait, La Folle n'est peut-être pas telle qu'il la représente. Il y a justement chez Soutine cette capacité d'entrer dans les âmes, de déformer les gens en les rendant, en les montrant tels qu'ils seront plus tard. Ça fait partie encore de ce trouble et de cette énigme Soutine. Comment quelqu'un peut scruter à ce point les personnalités, rentrer à l'intérieur des individus et de leur être pour les rendre tels qu'ils seront dans 50 ans. Mais c'est ça qui est étonnant, parce que si je faisais allusion à ce tableau La Folle, je veux dire, on se doute bien que la personne n'était pas comme ça, telle qu'elle est représentée, elle était certainement différente. Et pourtant, quelqu'un qui a vu des schizophrènes, on voit bien qu'il voit vraiment l'essence même. Ben voilà. Donc, mais vous avez tout dit. Je pense que Soutine a cette capacité de voir ce qu'ont les gens en eux. Et c'est effectivement troublant, c'est gênant. Vous faites votre portrait, vous sortez autrement. C'est un miroir déformant. Oui, mais est-ce que de ce point de vue-là, il n'y a pas quelque chose qui a trait à une certaine tradition juive? Kabbaliste d'ailleurs généralement, qui est que on voit pas derrière les apparences, mais consciemment ou pas, ça à la limite ça m'intéresse pas. Vous savez, la Kabbale c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il n'y a pas de tradition picturale kabbalistique. Je sais bien. Je parle de l'esprit. Ce que je veux dire quand même que l'esprit venant, c'est la lettre pour la Kabbale. Venant c'est du nord-ouest de la Russie, je pense qu'il était quand même plus ou moins dans un milieu racide. Oui, mais la Kabbale, vraiment, là, il faut pas faire d'amalgame. La Kabbale est quelque chose qui est d'une difficulté absolue. La Kabbale est un jeu sur les lettres hébraïques, c'est-à-dire qu'il faut parler l'hébreu. Soutine ne parle pas l'hébreu. Ne le lit pas, parce qu'on ne le parlait pas à l'époque. Là, ne parlons pas de la même Kabbale. Hein. Il n'y a pas qu'un jeu sur les lettres. Vous savez bien, dans la Kabbale. Sefer Yetzira, la seconde partie, c'est les lettres. La première partie, c'est tout à fait autre chose. La vraie Kabbale, c'est quand même un jeu sur l'écrit. Et c'est une connaissance... Sur l'écrit. Oui. Oui, mais c'est-à-dire comment est-ce qu'on voit derrière les apparences, ou plus exactement, comment est-ce qu'on articule entre notre monde et un monde intermédiaire. Je ne suis pas sûr que Soutine ait eu cette formation intellectuelle. Je pense qu'il il fascine les autres juifs aussi autour de lui. Les lettres de Serouya, qui est quand même quelqu'un qui a fait une histoire de la Kabbale en France et qui est considéré comme un très grand kabbaliste, a été très très lié à Soutine, c'est vrai. Mais lui ne l'a pas interprété, Soutine, comme un kabbaliste. Donc vous avez raison, et puis je pense qu'il y a aussi une différence. Alors, il y a, me semble-t-il, un problème, Jacqueline Munk, c'est que dans certains tableaux de Soutine, on se rend compte qu'on les comprend d'une manière, qu'on, lorsqu'on les regarde mieux, on n'est plus très sûr de la compréhension qu'on a eue. Parce que je pense à l'un de ses derniers tableaux, Maternité. Lorsque j'ai vu la reproduction, j'ai tout de suite vu, moi, un enfant mort dans les bras de sa mère. Puis en regardant mieux, je me suis dit, il n'est peut-être pas mort, il est peut-être en train de dormir, tout simplement. Bon, alors je sais bien que le sommeil est une image de la mort, etc. C'est un topos. Mais de dire, mais finalement, je ne suis pas sûr de ce que je vois. Oui, absolument. Il y a ça. Il y a à la fois l'aspect très direct dont la matière nous touche. Et la manière dont il travaille finalement la couleur avec ses températures, avec ses intensités différentes. Et finalement, elles sont là aussi, comme beaucoup de choses chez lui, un peu, elles sont contradictoires. Donc il y a aussi contradiction de la manière de voir. C'est-à-dire, plus on s'approche, moins on voit. On a un truc de presbyte, mais franchement, on avait la même impression devant les tableaux de Bonnard, par exemple, devant la matière de Bonnard. Et tous les deux ont cette même possibilité, finalement, de faire jouer de manière contrapuntique la couleur. C'est-à-dire qu'il y a un différentiel. Il y a des couleurs qui sont très rapides, très impressives, et il y a des couleurs très lentes. Qui font une résonance très différente au sein d'une même petite surface picturale. Vous avez 50 touches, 50 choses différentes et des choses très contradictoires. Et c'est vrai que quand on s'approche de la peinture de Soutine, on ne la comprend plus. On est dans quelque chose de très informe. Et plus on s'éloigne, ce qu'on a compris et devient effectivement, ou ce qu'on a ressenti devient radicalement différent, puisqu'on a ce jeu d'adaptation possible. Mais c'est ce qui en fait aussi c'est-à-dire, je pense qu'on a du mal à accrocher à la... Et c'est pour ça que le sujet, finalement, est presque indifférent chez lui. Il n'y a pas de manière, on le prouve, très différente de montrer un paysage, le flux et le mouvement d'un arbre, du mouvement d'une personne. Pour lui, c'est une espèce de flamme. Il y a une sorte de morphine aussi des êtres et aussi bien des choses. Et finalement, c'est plutôt cette indétermination du règne de ce que l'on voit qui nous ramène toujours à quelque chose de plus important pour lui. C'est le sens induit à travers la matière et qui passe au-delà d'un certain langage. La fameuse cathédrale de Chartres, je me suis livré à cet exercice un peu bizarre, qui était de repartir à Rouen pour aller revoir les fameuses cathédrales de Monet. Oui. Et je me dis quand même, on est frappé de voir justement de la différence absolue de traitement. Alors c'est peut-être Chartres en soi-même aussi. Oui, Chartres. Mais on a l'impression quand même qu'il y a le regard de Soutine qui est un regard quand même... qui fait sortir dans Chartres, là aussi, ce qui, éventuellement, n'est pas visible directement à l'œil nu. Moi, je trouve que ça, l'un et l'autre rendent assez bien, à leur manière, l'effet des deux. Alors, Rouen, Monet, c'est effectivement un jeu sur les couleurs, sur la lumière, sur l'heure, le moment, la pluie, c'est sûr que c'est les préoccupations de Monet. La préoccupation de Soutine, c'est quoi? C'est finalement de se retrouver face à cette espèce de bâtiment qui est colossal. La cathédrale de Chartres, vous êtes face au parvis de la cathédrale de Chartres. Vous avez cette impression qu'on a en voyant l'œuvre de Soutine, cette espèce de masse énorme qui s'élève vers le ciel. Oui, mais en dehors, je suis bien d'accord. Mais en dehors de la différence des cathédrales, on voit bien quand même qu'il y a aussi une différence de regard. L'un et l'autre peignent ce qu'ils voient. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. On m'a posé la question il y a quelque temps, pourquoi sur un paysage de Cagnes, il y a une silhouette sur la rue qui est complètement déformée. Et on dit, pourquoi il peint ce personnage? Mais parce que le personnage devait y être, tout simplement. Ce sont en fait tous les deux des peintres de la réalité, de leur réalité, qui est une réalité déformée. Mais ce sont des peintres qui peignent ce qu'ils voient. Et c'est justement ma question, Marc Rassanini, c'est-à-dire, en fin de compte, que voit-il? Comment voit-il ? Il voit autre chose. Il montre ce qu'il voit, mais il le voit par le prisme d'une approche qui est effectivement assez particulière. Mais le rapprochement entre Monet et Soutine n'est pas totalement incohérent. Les deux travaillaient sous la forme de séries, ce qui est intéressant. Monet fait des séries, Soutine fait des séries. Maintenant, c'est vrai que la sérénité de l'un n'est pas chez l'autre. Précisément, lorsqu'on regarde la peinture de Soutine, alors, je suis bien d'accord que de cette manière, nous la regardons chacun subjectivement, de cette manière, mais on a l'impression, par rapport à ce que vous dites, Sophie Krebs, que précisément, il y a une sorte, je dirais, d'union des contraires. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est extrêmement réaliste, et je pense par exemple à ce tableau qui s'appelle « La route folle à Cagnes », dans lequel on est complètement en dehors de la réalité, on est presque dans un cauchemar. D'une certaine manière, enfin, la réalité se transcende complètement, et on a l'impression qu'il a besoin de la réalité pour voir au-delà de la réalité, et qu'il tient, il est obligé, il se sent obligé de tenir les deux ensemble. Ce qui explique peut-être, c'est, vous avez parlé tout à l'heure des différentes périodes de Soutine. Il y a quand même une période qui fait problème, c'est Serret, et il fait problème pour lui, parce que les œuvres qu'il cherche à détruire, après le succès arrivé, c'est serré, et c'est uniquement serré. Donc quand il voit une œuvre dans une galerie, etc., qui rappelle ce mouvement-là, il le détruit. Ça ne correspond pas à son objectif. Et il estime que c'était pas ça, c'est pas là-dessus qu'il doit, que sa peinture doit se... Et pourtant, aujourd'hui, c'est nous qui aimons cette période plus que tout. Mais lui en était convaincu que c'était pas du tout une période à conserver. Bon, alors, ceci dit, Soutine est un grand destructeur, pas seulement de ses modèles, mais aussi de ses toiles. Donc, et moi, je pense que ça tient un peu à sa technique même. On n'en a pas trop parlé, mais on a dit qu'il ne faisait pas de dessin, qu'il attaquait directement la peinture à l'huile. C'est pas de l'acrylique, hein. C'est de l'huile, ça suppose quand même cette espèce de cuisine un peu picturale. Et je pense que, et ça ramène à la suite du XXe siècle, je pense qu'il est extrêmement gestuel quelque part. Il y a des éclaboussures, il y a des matières, il utilise le tube vraisemblablement directement à même la toile. Donc il y a quelque chose de l'expressivité, et je pense aussi que où ça passe, où ça casse. C'est-à-dire qu'un tableau comme ça, qui utilise à ce point-là le corps, la main, enfin, comme prolongement de lui-même, soit ça, c'est un tableau réussi, soit c'est un tableau raté. Et je pense qu'il a beaucoup aussi déchiré, détruit des œuvres parce qu'elles ne correspondaient pas à ce qu'il pouvait avoir. Et puis ça pose le problème de quand est-ce qu'on a terminé une œuvre, quand on est dans cette logique. Si vous faites un geste de plus, ça y est, vous avez gâché. On est un peu dans un paradoxe du chef-d'œuvre inconnu, hein, vous savez, à force de vouloir faire très très bien, eh ben, on détruit un petit peu ça. Et je pense qu'il y a quelque chose de ce genre-là. C'est pour ça qu'il a sans doute séduit énormément les expressionnistes abstraits américains, voire Francis Bacon aussi, hein, puisqu'il y a, je pense, des rapprochements, notamment dans cette espèce de désamour de l'image de soi, notamment dans les autoportraits, quoiqu'il en a fait extrêmement peu. L'introspection ne l'intéresse pas, ça, j'en suis persuadée. Donc tout ça, c'est toujours très trouble, c'est-à-dire que même sur sa propre image, on n'est même pas sûr que ce soit vraiment lui. Mais ça en est quand même la quintessence, en tous les cas. On regarde pas mal de tableaux de Soutine, Jacques Limacq, on a bien l'impression de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, je dirais, à la limite, les sujets différents sont peints de la même manière, comme s'il y avait une sorte, comment dire, de flux d'énergie générale, et que c'était ça qu'il essayait de saisir, et que c'était ça qu'il essayait de reproduire. Et ça peut être des énergies contradictoires. Énergie de la couleur qui donne dans un sens qui peut calmer ou qui peut accélérer, et puis d'autre part effectivement une ligne qui arrive comme ça de manière très forte, expressive, déformée, qui peut être symptomatique de l'énergie intérieure captée dans les choses. Mais finalement, là encore, on est rarement dans un accord fond-forme, si vous voulez. Il y a rarement une technique vite qui fonctionne avec une ligne vite. C'est une sorte de chaos assez désorganisé et puis qui prend tout d'un coup, qui trouve son équilibre à un moment précis. Et là, tac, il a arrêté de peindre juste à ce moment précis. Et comme le disait Sophie, c'est vrai que quand ça n'a pas fonctionné, sans cette dissociation involontaire, mais c'est où il va, lui, trouver son équilibre, ne fonctionne pas, qu'il va casser, détruire, découper. Et c'est en effet encore c'est un de ses vrais paradoxes. Et alors, on a envie de poser la question à Jacques Limacq. En fin de compte, pour Soutine, qu'est-ce que c'est que vraiment être peintre ? On peut la poser de manière générale. Parce que, bon, Marc Rassedini nous le rappelait, il vient d'un milieu dans lequel il y a interdiction de la représentation, qui est largement une interprétation des textes, parce que dans le Deutéronome, l'interdiction, c'est uniquement de représenter Dieu. C'est tout. Bon, bah, par ailleurs, on aurait le droit. Donc on a l'impression qu'à la fois, il y a... je dirais, il va au-delà du tabou, mais en même temps, pourquoi à travers la peinture et qu'est-ce que c'est que cette sorte de vision d'une réalité autre qui est pourtant dans notre réalité ? Moi, je dirais, est-ce que c'est une réalité autre ? Je dirais que peut-être que Soutine fonctionne, là aussi de manière assez balzacienne, avec des additions vivantes par ses personnages. Chaque toile peinte devient quelque chose de la réalité. Et là, on est dans la définition de l'artiste un petit peu mage, de l'artiste telle qu'elle a été véhiculée pendant tout le XIXe siècle. Et je pense qu'il ne déroge pas à cette idée du peintre alchimiste. Comme à la même époque, il y a des Derain qui sont sur la même, même veine, des Quirico aussi. Et qu'il passe par la peinture, oui, parce que c'est sa matière, c'est son mot à lui, c'est sa manière de s'exprimer. Et finalement, oui, je pense que pas à pas, avec cette... Ce passage d'un lieu à l'autre, sans s'attacher, semble-t-il, ni aux uns ni aux autres, véritablement, il a ce cheminement de quelqu'un de très isolé et qui fonctionne à partir uniquement de sa propre création. Et ce monde-là, c'est un monde qui n'est pas parallèle au nôtre. C'est le choc de deux réalités. Il y a la sienne. Il y a celle de l'extérieur, et la sienne, il la nourrit, il la fait vivre, il la peuple, comme Rouault au même moment, avec tous les personnages du Miserere qu'on voit transiter d'un endroit à l'autre, il la peuple de ses propres personnages, et chaque œuvre, ça fait partie de cette réalité vivante. Pour le vide à Kennedy, arrêtons la bûcherie. Livre. Puisque nous étions dans les régions de l'expressionnisme avec Soutine, je voudrais attirer l'attention sur l'ouvrage collectif réuni par Jacques Guamard aux éditions Omnibus, Chef-d'œuvre du fantastique. Chef-d'œuvre du fantastique où nous plongeons à la fois dans ce qu'on appelle les labyrinthes de la modernité, avec la Gradiva de Jensen par exemple, celle qui a donné lieu au texte fameux de Freud, ou avec des œuvres de Jean Rey, ou avec la métamorphose de Kafka. Nous abordons aussi des rêves et des délires avec quelqu'un comme Hoffman, avec des gens auxquels on ne s'attend pas, comme Rudyard Kipling, ou alors ce merveilleux anglo-saxon qui était Ambrose Bierce. Nous trouvons aussi du Mérimée, nous trouvons aussi la morte amoureuse de Théophile Gautier, nous trouvons aussi le Orla de Maupassant, et cela nous amène à travers une correspondance à la fois avec des motifs à l'évidence qui sont des motifs psychiatriques et en même temps avec quelque chose qui est de l'ordre de l'actualité visionnaire, à nous interroger sur la notion de qu'est-ce que le fantastique, en se rappelant que le fantastique vient du grec fantasia, l'imagination, et l'imagination éventuellement telle qu'à partir de Plotin, puis avec Saint-Augustin et Proclus, elle a été redéfinie, non pas simplement comme une simple mimésis, une simple reproduction dans le souvenir de ce à quoi on avait assisté, mais véritablement un espace de créativité, ce qui va être thématisé dans la philosophie sous le thème d'imagination créatrice. Et de ce point de vue-là, on voit très bien comment à la fois on peut être sur les bords de l'abîme, ou plus exactement on peut être sur les bords de l'abîme dans les deux sens du mot abîme, que nous avons oublié souvent, c'est-à-dire les abîmes de la profondeur, les abîmes de l'horreur, et en même temps les abîmes de la hauteur, les abîmes célestes d'une certaine façon. Et ce balancement, on le trouve sans aucun doute dans l'un des textes de Lovecraft, par exemple, qui nous est offert, qui est le cauchemar de d'Innsmouth, qui est extrêmement parent, à certains points de vue, d'un texte absolument abominable et dont le titre, précisément, est « L'abomination de Dunwich ». Et là, on voit très bien comment il y a ce balancement et comment on est amené à réfléchir sur qu'est-ce que l'imagination et, plus profondément, qu'est-ce que les structures de la psyché humaine qui... dans leur noyau, en quelque sorte, côtoient à la fois ce qui est de l'ordre de l'angélique, si l'on peut se servir de ce mot, et ce qui est de l'ordre du diabolique. Je vais tout préparer pour que mon cousin s'échappe de son asile de canton. Et nous irons ensemble à Innsmouth, dans l'ombre des prodiges. Nous nagerons jusqu'à ce récif qui médite dans la mer. Et nous vivrons à jamais dans l'émerveillement et la gloire. Au-delà de ces chefs-d'œuvre du fantastique, on peut, et me semble-t-il presque, on doit s'intéresser à l'étude de Ermelinda Campani, Le sacré au cinéma, aux éditions Gramsci. Les éditions Gramsci étant des éditions italiennes situées à Rome, mais le livre, évidemment, étant publié en français. Qu'est-ce qu'essaie de faire Ermelinda Campani ? C'est de comprendre comment le sacré se donne au cinéma. Au-delà du simple cinéma géographique, on peut penser évidemment à beaucoup de films qu'on a connus dans les années 40, et particulièrement au Fabiola de Biasetti, mais où elle essaie de montrer comment, à travers par exemple la manière de représenter le Christ en ne le montrant pas dans le Ben-Hur de Wheeler, ou dans l'œuvre de Bresson, ou dans l'œuvre de Pasolini, particulièrement évidemment avec l'Évangile de Matthieu, ou en s'intéressant au cas de Saint François tel qu'il nous est présenté particulièrement par Rossellini dans son illustration ou dans sa mise en scène des Fioretti, comment, d'une certaine façon, il y a toujours quelque chose du sacré qui passe dans l'image lorsque le cinéma est réellement le cinéma. Et il y a particulièrement des pages absolument passionnantes sur Pasolini en particulier, et en fait sur tout le soubassement de théologie catholique que l'on trouve dans ce qu'on appelle le western spaghetti. Et elle s'intéresse de ce point de vue-là très précisément à l'œuvre, par exemple, de quelqu'un comme Sergio Leone. Jung, encore plus que Freud, soutenait que la psyché est composée essentiellement d'images et qu'elle crée les réalités jour après jour. Aux yeux de Jung, la réalité est un ensemble d'images qui parlent un langage mythique parce qu'elles déjouent la compréhension littérale. La théorie de l'image cinématographique de Pasolini n'aurait pu trouver meilleur allié. Pasolini ressentait le besoin vital de trouver les images appropriées pour exprimer les forces mythiques qui sous-tendent la réalité quotidienne. Dans un autre horizon, mais qui n'est sans doute pas tellement éloigné, je voudrais m'attarder un instant sur Les eaux profondes de Roger Munier aux éditions Arfuyenne. C'est en réalité le cinquième volume du grand œuvre, si l'on peut dire, dernier terminal de Roger Munier, ce qu'il appelait l'opus incertum. Et là, nous sommes devant les carnets que a tenu Roger Munier pendant 3 ans, de 1990 à 1993. Et nous pouvons découvrir en Roger Munier quelqu'un qui a toujours été extrêmement modeste, mais qui sans aucun doute était l'un des plus profonds philosophes de la fin du siècle dernier, et où sa pensée se donne, renouant d'ailleurs avec une certaine tradition de la philosophie romantique allemande, sa pensée se donne sous une forme d'aphorisme qui, d'une certaine manière, dans leur contenu, dans leur leçon la plus profonde, relève sans aucun doute de la fréquentation que l'on a su assidue de Roger Munier, de l'œuvre de Heidegger d'une part, et de l'œuvre de Angelus Silesius de l'autre, et derrière Angelus Silesius, sans aucun doute, de Jacob Böhm. C'est-à-dire que nous avons comme des sortes d'aperçus fulgurants, en fin de compte, sur ce qu'est la condition humaine, et d'une certaine manière, sur qu'est-ce que peut être une transcendance qui ne serait pas en même temps séparée de l'humain, mais où, d'une certaine façon, il y aurait circulation et en même temps oubli, ou plus exactement renoncement à toutes les illusions. À la fin du règne de l'homme, Dieu s'attend. Il n'y a que Dieu qui puisse s'attendre où finit l'homme, s'il est un point où finit l'homme. Une seule chose nous comble, c'est d'être délivré de nous-mêmes, dans l'amour, dans l'extase. Aime-t-on jamais Dieu comme Dieu ? Je crains qu'on n'aime en Dieu que soi perdu en Dieu. Enfin, je voudrais terminer avec la réédition chez Alphée du livre absolument fondamental du point de vue de la réflexion moderne de David Bohm et de David Pitt, La conscience et l'univers. David Bohm, on sait que ça a été en physique le grand élève de Einstein et que David Pitt est certainement l'un des grands physiciens anglais qui vivent actuellement. Et d'une certaine manière, faisant toute l'histoire de la physique depuis les débuts jusqu'à la physique quantique, à travers une réflexion sur la théorie de la relativité, à travers une réflexion sur la physique quantique, il nous propose l'idée qui avait été pensée d'ailleurs par David Bohm d'abord, de ce qu'il appelle l'ordre appliqué, qui d'une certaine façon, quoique par des voies extrêmement différentes, n'est pas très loin de ce que Bernard d'Espagna, quant à lui, appelait le réel voilé. Et à travers cet ordre appliqué, on voit très bien comment on retrouve un certain type de la théologie médiévale finissante. Je pense particulièrement évidemment à l'œuvre de Nicolas de Cuse, qui avait proposé les notions d'implicatio, d'explicatio, de complicatio, et à travers l'implicatio, c'est effectivement l'ordre appliqué de David Bohm que nous retrouvons et dont on peut penser que David Bohm n'était pas sans le connaître effectivement. Et d'une certaine façon, et à travers en même temps une philosophie de ce qu'aujourd'hui on appelle l'hologramme, c'est-à-dire de ces constructions virtuelles dans lesquelles chaque partie en fait contient tout l'ensemble, nous ne sommes pas très loin d'un certain type de monadologie telle qu'on la trouve particulièrement évidemment dans l'œuvre de Leibniz, ou alors telle qu'on le trouve dans le rapport de l'un et du multiple, dans le rapport de l'âme universelle avec les âmes singulières, ou de l'intellect général avec les intellects particuliers dans l'œuvre de Plotin. Et d'une certaine façon, ce à quoi nous invite David Bohm et David Pitt, c'est au-delà de la science, à travers ce qu'elle dit rationnellement et objectivement, d'essayer de comprendre ce que philosophiquement on peut en tirer et éventuellement ouvrir un espace de créativité. L'intelligence créative peut, en général, être considérée comme la faculté de percevoir de nouvelles catégories et de nouveaux ordres situés entre les anciens, qui forment en l'occurrence les extrêmes opposés. Il ne s'agit pas de les mélanger, ni de prendre un peu de l'un, un peu de l'autre, comme dans le cas des ordres réguliers de faible degré et des ordres chaotiques de degré infini. Ce qui les sépare est un nouveau domaine qualitativement différent des deux extrêmes et qui s'offre à la créativité. « Les livres aujourd'hui, chef-d'œuvre du fantastique, un collectif dirigé par Jacques Guamard aux éditions Omnibus, Le sacré au cinéma de Ermelinda Campani aux éditions Grémessé, Les eaux profondes de Roger Munier aux éditions Arfuyenne et une réédition, La conscience et l'univers de David Baume et David Pitt aux éditions Alphée. Et les dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Sophie Krebs, Jacqueline Munch et Marc Restellini. Recherche sonore Nathalie Rouvillain, mixage Pierre Mine, réalisation Isabelle Huel. Dans quelques instants, Hélène Azéra.